L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est une étude qui vient de le démontrer. Les galaxies spirales sont très souvent entourées par un vaste halo qui émet des ondes radio. Ce vaste halo radio serait formé par des particules chargées et des champs magnétiques et était jusqu'alors invisible. C'est en étudiant les émissions dans les longueurs d'onde radio d'un échantillon de 35 galaxies spirales vues par la tranche que l'équipe internationale d'astrophysiciens du projet Change ES pour Continuum Halos in Nearby Galaxies and EVLA Survey ont réussi à mettre en évidence la présence quasi systématique d'une vaste région formant un halo radio de part et d'autre du plan des disques galactiques. Les 35 galaxies étudiées sont des galaxies proches, réparties à des distances comprises entre 11 millions et 137 millions d'années-lumière. Elles ont été étudiées grâce au radiotélescope Carl Jansky Very Large Array dans deux bandes spectrales radio autour de 1,5 GHz et autour de 6 GHz. Après avoir traité 30 images radio sur les 35, les chercheurs montrent la présence sans équivoque de ces vastes étendues d'émissions radio de part et d'autre des disques galactiques. De telles émissions radio peuvent être le produit de charges électriques en mouvement dans des champs électromagnétiques, typiquement des rayons cosmiques, protons, électrons ou même noyaux d'atomes. On savait que de tels halos pouvaient exister, mais ce qu'on ignorait jusqu'à aujourd'hui, c'est leur quasi-omniprésence autour des galaxies spirales. Les galaxies spirales, comme notre Voie lactée, ont leur majorité d'étoiles, de gaz et de poussière regroupées dans un disque plat en rotation, avec des bras en forme de spirale. Et la très grande majorité de la lumière et des ondes radio que nous observons proviennent d'objets qui sont situés dans ce disque. Et il a toujours été difficile d'entrevoir ce qui se passe au-dessus et au-dessous de ce disque de matière. L'étude du halo radio peut maintenant apporter de nombreuses informations sur bon nombre de phénomènes, à commencer par le taux de formation d'étoiles dans le disque, ou encore les vents de particules produits par les explosions d'étoiles, ou bien l'origine des champs magnétiques des galaxies. Car l'implication importante de cette observation est que l'on peut voir maintenant comment les rayons cosmiques et les champs magnétiques non seulement débordent du disque galactique, mais à quel point ils s'étendent loin du plan de rotation. Ces résultats sont entièrement partagés avec la communauté astrophysique dans leurs moindres détails. L'article paru dans Astronomical Journal fait la bagatelle de 70 pages. Ce qui est une spécificité du projet Change ES, et il devrait être bientôt suivi par de nouveaux résultats en cours d'analyse par la même équipe sur d'autres échantillons de galaxies. L'article de Teresa Wiglert et ses collaborateurs est paru dans The Astronomical Journal, le volume 150. Il s'appelle Change ES 4. Radio continuum emission of 35 edge-on galaxies observed with the Carl Jansky Very Large Array in D configuration. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr et surtout sur les plateformes PodCloud et iTunes en ce qui concerne ce podcast qui, rappelons-le, est la retranscription du blog du même nom. Et je dois rappeler aussi également que Ça se passe là-haut, candidate pour les Golden Blog Awards qui auront lieu le 10 novembre. Et donc, jusqu'au 26 octobre, vous pouvez voter pour vos blogs préférés. Et donc, n'hésitez pas à le faire pour Ça se passe là-haut. Et ça se passe en haut sur la colonne de gauche du blog. Voilà, c'est dit. Allez, merci beaucoup encore pour votre soutien, et d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !